Chapitre 2. Grand titre. Peine et jouissance future. Ce chapitre regroupe 8 sous-titres. Néant, vie future. Intuition des peines et jouissances futures. Intervention de Dieu dans les peines et récompenses. Nature des peines et jouissances futures. Peine temporelle. Expiation et repentir. Durée des peines futures. Paradis, enfer et purgatoire. Premier titre. Néant, vie future. Repère 958. Question. Pourquoi l'homme a-t-il instinctivement horreur du néant? Réponse. Parce que le néant n'existe pas. Repère 959. Question. D'où vient à l'homme le sentiment instinctif de la vie future? Réponse. Nous l'avons déjà dit. Avant son incarnation, l'esprit connaissait toutes ces choses et l'âme garde un vague souvenir de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a vu dans son état spirituel. Commentaire. Dans tous les temps, l'homme s'est préoccupé de son avenir, d'outre-tombe, et cela est fort naturel. Quelque importance qu'il attache à la vie présente, il ne peut s'empêcher de considérer combien elle est courte, et surtout précaire, puisqu'elle peut être brisée à chaque instant et qu'il n'est jamais sûr du lendemain. Que devient-il après l'instant fatal ? La question est grave car il ne s'agit pas de quelques années, mais de l'éternité. Celui qui doit passer de longues années dans un pays étranger s'inquiète de la position qu'il y aura. Comment donc ne nous préoccuperions pas, nous, de celle que nous aurons en quittant ce monde, puisque c'est pour toujours? L'idée du néant a quelque chose qui répugne à la raison. L'homme le plus insouciant pendant sa vie, arrivé au moment suprême, se demande ce qu'il va devenir, et involontairement il espère. Croire en Dieu sans admettre la vie future serait un non-sens. Le sentiment d'une existence meilleure est dans le fort intérieur de tous les hommes. Dieu n'a pu l'y placer en vain. La vie future implique la conservation de notre individualité après la mort. Que nous importerait, en effet, de survivre à notre corps si notre essence morale devait se perdre dans l'océan de l'infini? Les conséquences pour nous seraient les mêmes que le néant. Titre. Intuition des peines et jouissances futures. Repère 960. Question. D'où vient la croyance que l'on retrouve chez tous les peuples de peines et de récompenses à venir? Réponse. C'est toujours la même chose, pressentiment de la réalité apportée à l'homme par l'esprit incarné en lui, car, sachez-le bien, ce n'est pas en vain qu'une voix intérieure vous parle. Votre tort est de ne pas assez l'écouter. Si vous y pensiez bien et souvent, vous deviendriez meilleur. Repère 961. Question. Au moment de la mort, quel est le sentiment qui domine chez les plus grands nombres des hommes? Est-ce le doute, la crainte ou l'espérance? Réponse. Le doute pour les sceptiques endurcis, la crainte pour les coupables, l'espérance pour les hommes de bien. Repère 962, question. Pourquoi y a-t-il des sceptiques, puisque l'âme apporte à l'homme le sentiment des choses spirituelles? Réponse. Il y en a moins qu'on ne le croit. Beaucoup font les esprits forts pendant leur vie par orgueil, mais au moment de mourir, ils ne sont pas si fanfarons. Commentaire. La conséquence de la vie future est la responsabilité de nos actes. La raison et la justice nous disent que, dans la répartition du bonheur auquel tout homme aspire, les bons et les méchants ne sauraient être confondus. Dieu ne peut vouloir que les uns jouissent sans peine de biens auxquels d'autres n'atteignent avec effort et persévérance. L'idée que Dieu nous donne de sa justice et de sa bonté par la sagesse de ses lois ne nous permet pas de croire que la justice et le méchant soient au même rang à ses yeux, ni de douter qu'ils ne reçoivent un jour l'un la récompense, l'autre le châtiment du bien ou du mal qu'ils auront fait. C'est pourquoi le sentiment inné que nous avons de la justice nous donne l'intuition des peines et des récompenses futures. Titre. Intervention de Dieu dans les peines et récompenses. Repère. 963. Question. Dieu s'occupe-t-il personnellement de chaque homme? N'est-il pas trop grand et nous trop petits pour que chaque individu en particulier ait quelque importance à ses yeux? Réponse. Dieu s'occupe de tous les êtres qu'il a créés, quelque petit qu'il soit, rien n'est trop peu pour sa bonté. Repère 963. Question. Dieu a-t-il besoin de s'occuper de chacun de nos actes pour nous récompenser ou nous punir, et la plupart de ces actes ne sont-ils pas insignifiants pour lui? Réponse. Dieu a ses lois qui règlent toutes vos actions. Si vous les violez, c'est votre faute. Sans doute, Quand un homme commet un excès, Dieu ne rend pas un jugement contre lui pour lui dire, par exemple, « Tu as été gourmand, je vais te punir », mais il a tracé une limite. Les maladies et souvent la mort sont la conséquence des excès. Voilà la punition. Elle est le résultat de l'infraction à la loi. Il en est ainsi de tout. Commentaire. Toutes nos actions sont soumises aux lois de Dieu. Il n'en est aucune, quelque insignifiante qu'elle nous paraisse, qui ne puisse en être la violation. Si nous subissons les conséquences de cette violation, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes, qui nous faisons ainsi les propres artisans de notre bonheur ou de notre malheur à venir. Cette vérité est rendue sensible par l'apologue suivant. Ouvrez les guillemets. Un père a donné à son enfant l'éducation et l'instruction, c'est-à-dire les moyens de savoir se conduire. Il lui cède un champ à cultiver et lui dit « Voilà la règle à suivre et tous les instruments nécessaires pour rendre ce champ fertile et assurer ton existence. Je t'ai donné l'instruction pour comprendre cette règle. Si tu la suis, ton champ te produira beaucoup et te procurera le repos sur tes vieux jours. Sinon, tu ne te produiras rien. Il ne te produira rien et tu mourras de faim. Cela dit, il le laisse agir à son gré. » Ferme les guillemets. N'est-il pas vrai que ce champ produira en raison des soins donnés à la culture et que toute négligence sera au détriment de la récolte? Le fils sera donc sur ses vieux jours heureux ou malheureux selon qu'il aura suivi ou négligé la règle tracée par son père. Dieu est encore plus prévoyant, car il nous avertit à chaque instant si nous faisons bien ou mal. Il nous envoie les esprits qui nous pour nous inspirer, mais nous les écoutons pas. Il y a encore cette différence que Dieu donne toujours à l'homme une ressource dans ses nouvelles existences pour réparer ses erreurs passées, tandis que le fils dont nous parlons n'en a pas plus s'il a mal employé son temps. Grand titre. Nature des peines et jouissances futures. Repère 965, question. Les peines et les jouissances de l'âme après la mort ont-elles quelque chose de matériel? Réponse. Elles ne peuvent être matérielles, puisque l'âme n'est pas matière. Le bon sens le dit. Ces peines et ces jouissances n'ont rien de charnel et pourtant elles sont mille fois plus vives que celles que vous éprouvez sur la terre, parce que l'esprit, une fois dégagé, est plus impressionnable. La matière n'émousse plus ses sensations. Repère 966, question. Pourquoi l'homme se fait-il des peines et des jouissances de la vie future, une idée souvent si grossière et si absurde? Réponse. Intelligence qui n'est point encore assez développée, l'enfant comprend-il comme l'adulte? D'ailleurs, cela dépend aussi de ce qu'on lui a enseigné. C'est là qu'il a besoin d'une réforme. Votre langage est trop incomplet pour exprimer ce qui est en dehors de vous. Alors, il y a bien fallu des comparaisons. Et ce sont ces images et ces figures que vous avez prises pour la réalité. Mais à mesure que l'homme s'éclaire, sa pensée comprend les choses que son langage ne peut rendre. Repère 967, question. En quoi consiste le bonheur des bons esprits? Réponse. Connaître toute chose, n'avoir ni haine, ni jalousie, ni envie, ni ambition, ni aucune des passions qui font le malheur des hommes. L'amour qui les unit est pour eux la source d'une suprême félicité. Ils n'éprouvent ni le besoin, ni les souffrances, ni les angoisses de la vie matérielle. Ils sont heureux du bien qu'ils font. Du reste, le bonheur des esprits est toujours proportionné à leur élévation. Les purs esprits jouissent seuls, il est vrai, du bonheur suprême, mais tous les autres ne sont pas malheureux. Entre les mauvais et les parfaits, il y a une infinité de degrés où les jouissances sont relatives à l'état moral. Ceux qui sont assez avancés comprennent le bonheur de ceux qui sont arrivés avant eux. Ils y aspirent, mais c'est pour eux un sujet d'émulation et non de jalousie. Ils savent qu'ils dépendent d'eux d'y atteindre et travailler à cette fin. Mais avec le calme et de la bonne conscience, et ils sont heureux de n'avoir pas à souffrir ce qu'endurent les mauvais. Repère 968, question. Vous placez l'absence des besoins matériels au nombre des conditions du bonheur pour les esprits, mais la satisfaction de ces besoins n'est-elle pas pour l'homme une source de jouissance? Réponse. Oui, les jouissances de la bête. Et quand tu ne peux satisfaire ses besoins, c'est une torture. Repère 969, question. Que faut-il entendre quand on dit que les purs esprits sont réunis dans le sein de Dieu et occupés à chanter ses louanges? Réponse. C'est une allégorie qui peint l'intelligence qu'ils ont des perfections de Dieu, parce qu'ils le voient et le comprennent, mais qu'il ne faut pas plus entendre, le prendre à la lettre que beaucoup d'autres. Tant dans la nature, depuis le grain de sable chante, c'est-à-dire proclame la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu. Mais ne crois pas que les esprits bienheureux soient en contemplation pendant l'éternité. Ce serait un bonheur stupide et monotone. Ce serait de plus celui de l'égoïste, puisque leur existence serait une inutilité sans terme. Ils n'ont plus les tribulations de l'existence corporelle. C'est déjà une jouissance. Et puis, comme nous l'avons dit, ils connaissent et savent toutes choses. Ils mettent à profit l'intelligence qu'ils ont acquise pour aider au progrès les autres esprits. C'est leur occupation et en même temps une jouissance. Repère 970, question. En quoi consistent les souffrances des esprits inférieurs? Réponse. Elles sont aussi variées que les causes qui les ont produites, et proportionnées au degré d'infériorité comme les jouissances le sont au degré de supériorité. Elles peuvent se résumer ainsi. Envier tout ce qui leur manque pour être heureux et ne pouvoir l'obtenir. Voir le bonheur qui n'y pouvoir et n'y pouvoir atteindre. Regret, jalousie, rage, désespoir de ce qui les empêche d'être heureux. Remords, anxiété morale, indéfinissable. Ils ont le désir de toutes les jouissances et ne peuvent les satisfaire. Et c'est ce qui les torture. Repère 971, question. L'influence que les esprits exercent les uns sur les autres est-elle toujours bonne? Réponse. Toujours bonne de la part des bons esprits, cela va sans dire. Mais les esprits pervers cherchent à détourner de la voie du bien et du repentir ceux qu'ils croient susceptibles de se laisser entraîner, et que souvent ils ont entraîné au mal pendant la vie. Question. Ainsi, la mort ne nous délivre pas de la tentation? Réponse. Non, mais l'action des mauvais esprits est beaucoup moins grande sur les autres esprits que sur les hommes, parce qu'ils n'ont pas pour auxiliaire les passions matérielles. Repère 972, question. Comment les mauvais esprits s'y prennent-ils pour tenter les autres esprits, puisqu'ils n'ont pas le secours des passions? Réponse. Si les passions n'existent pas matériellement, elles existent encore dans la pensée chez les esprits arriérés. Les mauvais entretiennent ces pensées en entretenant leurs victimes dans les lieux où ils ont le spectacle de ces passions et de tout ce qui peut les exciter. Question. À quoi bon ces passions, puisqu'elles n'ont plus d'objet réel? Réponse. C'est précisément là leur supplice. L'avare voit de l'or qu'il ne peut posséder, le débauché des orgies auxquelles il ne peut prendre part, l'orgueilleux des honneurs qu'il envie et dont il ne peut jouir. Repère 937, question. Quelles sont les plus grandes souffrances que puissent endurer les mauvais esprits? Réponse. Il n'y a pas de description possible des tortures morales qui sont la punition de certains crimes. Celui-là même peut les éprouver. Qui les éprouve aurait de la peine à vous en donner une idée. Mais assurément, la plus affreuse est la pensée qu'il y a d'être condamné sans retour. Commentaire. L'homme se fait des peines et des jouissances de l'âme après la mort une idée plus ou moins élevée, selon l'état de son intelligence. Plus il se développe, plus cette idée s'épure et se dégage de la matière. Il comprend les choses sous un point de vue plus rationnel. Il cesse de prendre à la lettre les images d'un langage figuré. La raison, plus éclairée, nous apprenant que l'âme est un être tout spirituel, nous dit « par cela même qu'elle ne peut être affectée, par les impressions qui n'agissent que sur la matière. » Mais il ne s'ensuit pas que cela, qu'elle soit exempte de souffrance, ni qu'elle ne reçoit pas la punition de ses fautes. Les communications spirites ont pour résultat de nous montrer l'état futur de l'âme, non plus comme une théorie, mais comme une réalité. Elles mettent sous nos yeux toutes les péripéties de la vie d'outre-tombe, mais elles nous les montrent en même temps comme des conséquences parfaitement logiques de la vie terrestre et, quoique dégagées de l'appareil fantastique créé par l'imagination des hommes, elles n'en sont pas moins pénibles pour ceux qui en font un mauvais usage de leurs facultés. La diversité de ces conséquences est infinie. Mais on peut dire, en thèse générale, que chacun est puni par là où il a péché. C'est ainsi que les uns le sont par la vue incessante du mal qu'ils ont fait, d'autres par les regrets, la crainte, la honte, le doute, l'isolement, les ténèbres, la séparation des êtres qui leur sont chers, etc. Repère 974, question. D'où vient la doctrine du feu éternel? Réponse. Image, comme tant d'autres choses, prises pour la réalité. Question. Mais cette crainte ne peut-elle avoir un bon résultat? Réponse. Vois donc si elle en retient beaucoup, même parmi ceux qui l'enseignent. Si vous enseignez des choses que la raison rejette plus tard, vous ferez une impression qui ne sera ni durable ni salutaire. Commentaire. L'homme, impuissant à rendre, par son langage, la nature de ses souffrances, n'a pas trouvé de comparaison plus énergique que celle du feu, car Pour lui, le feu est un type au plus cruel supplice et le symbole de l'action la plus énergique. C'est pourquoi la croyance au feu éternel remonte à la plus haute antiquité. Et les peuples modernes en ont hérité des peuples anciens. C'est pourquoi aussi, dans son langage figuré, il dit « le feu des passions, brûlé d'amour, de jalousie, etc. » Repère 975, question. Les esprits inférieurs comprennent-ils le bonheur du juste? Réponse. Oui, et c'est ce qui fait leur supplice, car ils comprennent qu'ils en sont privés par leur faute. C'est pourquoi l'esprit, dégagé de la matière, aspire après une nouvelle existence corporelle, parce que chaque existence peut abréger la durée de ses supplices, si elle est bien employée. C'est alors qu'il fait choix des épreuves par lesquelles il pourra expier ses fautes, car sachez-le bien, l'esprit souffre de tout le mal qu'il a fait ou dont il a été la cause volontaire, et de tout le bien qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait, et de tout le mal qui résulte du bien qu'il n'a pas fait. L'esprit errant n'a plus de voile, il est comme sorti du brouillard et voit ce qui l'éloigne du bonheur. Alors, il souffre davantage, car il comprend combien il a été coupable. Pour lui, il n'y a plus d'illusion, il voit la réalité des choses. Commentaire. L'esprit à l'état errant embrasse, d'un côté, toutes ses existences passées, et de l'autre, il voit l'avenir promis et comprend ce qui lui manque pour l'atteindre. Tel un voyageur parvenu au faîte d'une montagne voit la route qu'il parcourut et celle qui lui reste à parcourir pour arriver à son but. Repère 976, question. La vue des esprits qui souffrent n'est-elle pas pour les bons une cause d'affliction? Et alors, que devient leur bonheur si ce bonheur est troublé? Réponse. Ce n'est point une affliction, puisqu'ils savent que le mal aura une fin. Ils aident les autres à s'améliorer et leur tendent la main. C'est là leur occupation, et une jouissance quand ils réussissent. Question. Cela se conçoit de la part d'esprits étrangers ou indifférents, mais la vue des chagrins et des souffrances de ceux qu'ils ont aimés sur la terre, ne trouvent-elles pas leur bonheur? Réponse. S'ils ne voyaient pas ces souffrances, c'est qu'ils vous seraient étrangers après la mort. Or, la religion vous dit que les âmes vous voient, mais ils considèrent vos afflictions à un autre point de vue. Ils savent que ces souffrances sont utiles à votre avancement, si vous les supportez avec résignation. Ils s'affligent donc plus du manque de courage qui vous retarde que des souffrances en elles-mêmes et qui sont que passagères. Repère 977, question. Les esprits, ne pouvant se cacher réciproquement leurs pensées et tous les actes de la vie étant connus, il s'en suivrait que le coupable est en présence perpétuelle de sa victime. Réponse. Cela ne peut être autrement. Le bon sens le dit. Question. Cette divulgation de tous nos actes répréhensibles et la présence perpétuelle de ceux qui en ont été les victimes sont-elles un châtiment pour le coupable? Réponse. Plus grand qu'on ne pense, mais seulement jusqu'à ce qu'il ait expié ses fautes, soit comme esprit, soit comme homme dans une nouvelle existence corporelle. Commentaire. Lorsque nous sommes nous-mêmes dans le monde des esprits, tout notre passé étant à découvert, le bien et le mal que nous aurons fait seront également connus. C'est en vain que celui qui a fait le mal voudra échapper à la vue de ses victimes. Leur présence inévitable sera pour lui un châtiment et un remords incessant jusqu'à ce qu'il ait expié ses torts, tandis que l'homme de bien, au contraire, ne rencontrera partout que des regards amis et bienveillants. Pour le méchant, il n'est pas de plus grand tourment sur terre que la présence de ses victimes. C'est pourquoi il les évite sans cesse. Que sera-ce quand, l'illusion des passions étant dissipée, il comprendra le mal qu'il a fait, verra ses actes les plus secrets dévoilés, son hypocrisie démasquée, et qu'il ne pourra se soustraire à leur vue. Tandis que l'âme de l'homme pervers est en proie à la honte, au regret et au remords, celle du juste jouit d'une sérénité parfaite. Repère 978, question. Le souvenir des fautes que l'âme a pu commettre alors qu'elle était imparfaite ne trouble-t-il pas son bonheur, même après qu'elle s'est épurée? Réponse. Non, parce qu'elle a racheté ses fautes et qu'elle est sortie victorieuse des épreuves auxquelles elle s'était soumise dans ce but. Repère 979, question. Les épreuves qui restent à subir pour achever la purification ne sont-elles pas pour l'âme une appréhension pénible qui trouble son bonheur? Réponse. Pour l'âme qui est encore souillée, oui, C'est pourquoi elle ne peut jouir d'un bonheur parfait que lorsqu'elle sera tout à fait pure. Mais pour celle qui est déjà élevée, la pensée des épreuves qui lui restent à subir n'a rien de pénible. Commentaire. L'âme qui est arrivée à un certain degré de pureté goûte déjà le bonheur. Un sentiment de douce satisfaction la pénètre et elle est heureuse de tout ce qu'elle voit, de tout ce qui l'entoure. Le voile se lève pour elle sur le mystère et les merveilles de la création. Et les perfections divines lui apparaissent dans toute leur splendeur. Repère 980. Question. Le lien sympathique qui unit les esprits du même ordre est-il pour eux une source de félicité? Réponse. L'union des esprits qui sympathisent pour le bien est, pour eux, une des plus grandes jouissances, car ils ne craignent pas de voir cette union troublée par l'égoïsme. Ils forment, dans le monde tout à fait spirituel, des familles de mêmes sentiments, et c'est en cela que consiste le bonheur spirituel. Comme dans tout monde, vous vous groupez par catégorie, et vous goûtez un certain plaisir quand vous êtes réunis. L'affection pure et sincère qu'ils éprouvent est donc, s'ils sont l'objet, est une source de félicité, car il n'y a point là de faux amis ni d'hypocrites. Commentaire. L'homme goûte les prémices de ce bonheur sur la terre quand il rencontre des âmes avec lesquelles il peut se confondre dans une union pure et sainte. Dans une vie plus épurée, cette jouissance sera ineffable et sans borne, parce qu'il ne rencontrera que des âmes sympathiques que l'égoïsme ne refroidira pas, car tout est amour dans la nature, c'est l'égoïsme qui le tue. Repère 981, question. Y a-t-il, pour l'état futur de l'esprit, une différence entre celui qui, de son vivant, redoutait la mort et celui qui la voit avec indifférence et même avec joie? Réponse. La différence peut être très grande. Cependant, elle s'efface souvent devant les causes qui donnent cette crainte ou ce désir. Soit qu'on la redoute, soit qu'on la souhaite, ou on peut être mu par des sentiments très divers. Et ce sont les sentiments qui influent sur l'état de l'esprit. Il est évident, par exemple, que chez celui qui désire la mort uniquement parce qu'il y voit le terme de ses tribulations, c'est une sorte de murmure contre la providence et contre les épreuves qu'il doit subir. Repère 982. Question. Est-il nécessaire de faire profession de spiritisme et de croire aux manifestations pour assurer notre sort dans la vie future? Réponse. S'il en était ainsi, il s'ensuivrait que tous ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas été à même de s'éclairer sont déshérités, ce qui serait absurde. C'est le bien qui assure le sort d'avenir. Or, le bien est toujours le bien, quelle que soit la voie qui y conduit. Commentaire. La croyance au spiritisme aide à s'améliorer en fixant les idées sur certains points de l'avenir. Elle hâte l'avancement des individus et des masses parce qu'elle permet de se rendre compte de ce que nous serons un jour. C'est un point d'appui, une lumière qui nous guide. Le spiritisme apprend à supporter les épreuves avec patience et résignation. Il détourne des actes qui peuvent retarder le bonheur futur. C'est ainsi qu'il contribue à ce bonheur. Mais il n'est pas dit que sans cela, on y puisse y arriver. Titre. Peine temporelle. Repère 983. Question. L'esprit qui expie ses fautes dans une nouvelle existence n'a-t-il pas des souffrances matérielles et dès lors, est-il exact de dire qu'après la mort, l'âme n'a que des souffrances morales? Réponse. Il est bien vrai que lorsque l'âme est réincarnée, les tribulations de la vie sont pour elle une souffrance, mais il n'y a que le corps qui souffre matériellement. Vous dites souvent de celui qui est mort qu'il n'a plus à souffrir. Cela n'est pas toujours vrai. Comme esprit, il n'a plus de douleur physique. Mais selon les fautes qu'il a commises, il peut avoir des douleurs morales plus cuisantes et dans une nouvelle existence, il peut être encore plus malheureux. Le mauvais riche y demandera l'aumône et sera en proie à toutes les privations de la misère, l'orgueilleux à toutes les humiliations. Celui qui abuse de son autorité et traite ses subordonnés avec mépris et dureté, y sera forcé d'obéir à un maître plus dur qu'il ne l'a été. Toutes les peines et les tribulations de la vie sont l'expiation des fautes d'une autre existence, lorsqu'elles ne sont pas la conséquence des fautes de la vie actuelle. Quand vous serez sorti d'ici, vous le comprendrez. L'homme qui se croit heureux sur la terre parce qu'il peut satisfaire ses passions est celui qui fait le moins d'efforts pour s'améliorer. Il expie souvent dès cette vie ce bonheur éphémère, mais il expiera certainement dans une autre existence tout aussi matérielle. Repère 984, question. Les vicissitudes de la vie sont-elles toujours la punition de fautes actuelles? Réponse. Non, nous l'avons déjà dit, ce sont des épreuves imposées par Dieu. ou choisie par vous-même à l'état d'esprit et avant votre réincarnation pour expier les fautes commises dans une autre existence. Car jamais l'infraction aux lois de Dieu et surtout à la loi de la justice ne reste impunie. Si ce n'est dans cette vie, ce sera nécessairement dans une autre. C'est pourquoi celui qui est juste à vos yeux est souvent frappé par son passé. Repère 985, question. La réincarnation de l'âme dans un monde moins grossier est-elle une récompense? Réponse. C'est la conséquence de son épuration. Car, à mesure que l'esprit s'épure, il s'incarne dans des mondes de plus en plus parfaits. Jusqu'à ce qu'ils aient dépouillé toute matière et soient lavés de toutes les souillures pour jouir éternellement de la félicité des purs esprits dans le sein de Dieu. Commentaire. Dans les mondes où l'existence est moins matérielle qu'ici-bas, les besoins sont moins grossiers et toutes les souffrances physiques moins vives. Les hommes ne connaissent plus les mauvaises passions qui, dans les mondes inférieurs, les font ennemis les uns des autres. N'ayant aucun sujet de haine ni de jalousie, ils vivent entre eux en paix, parce qu'ils pratiquent la loi de justice, d'amour et de charité. Ils ne connaissent point les ennuis et les soucis qui naissent de l'envie, de l'orgueil et de l'égoïsme, et qui font le tourment de notre existence terrestre. Repère 986, question. L'esprit qui a progressé dans son existence terrestre peut-il être quelquefois réincarné dans le même monde? Réponse. Oui, s'il n'a pu accomplir sa mission, et lui-même peut demander à la compléter dans une nouvelle existence, mais alors ce n'est plus pour lui une expiation. Repère 987, question. Que devient l'homme qui, sans faire de mal, ne fait rien pour secouer l'influence de la matière? Réponse. Puisqu'il ne fait aucun pas vers la perfection, il doit recommencer une existence de la nature de celle qui quitte. Il reste stationnaire et c'est ainsi qu'il peut prolonger les souffrances de l'expiation. Repère 988, question. Il y a des gens dont la vie s'écoule dans un calme parfait, qui n'ayant besoin de rien faire par eux-mêmes, sont exempts de soucis. Cette existence heureuse est-elle une preuve qu'ils n'ont rien à expier d'une existence antérieure? Réponse. En connais-tu beaucoup? Si tu le crois, tu te trompes. Souvent, le calme n'est qu'apparent. Ils peuvent avoir choisi cette existence, mais quand ils la quittent, ils s'aperçoivent qu'elle ne leur a point servi à progresser. Et alors, comme paresseux, ils regrettent le temps perdu. Sachez bien que l'esprit ne peut acquérir des connaissances et s'élever que par l'activité. Il s'endort dans l'insouciance. S'il s'endort dans l'insouciance, il n'avance pas. Il est semblable à celui qui a besoin, d'après vos usages, de travailler, et qui va se promener ou se coucher, et cela dans l'intention de ne rien faire. Sachez bien aussi que chacun aura à rendre compte de l'inutilité volontaire de son existence. Cette inutilité est toujours fatale au bonheur à venir. La somme du bonheur futur est en raison de la somme du bien que l'on fait. Celle du malheur est en raison du mal et des malheureux que l'on a fait. Repère 989, question. Il y a des gens qui, sans être positivement méchants, rendent malheureux tous ceux qui les entourent, par leur caractère. Quelle en est pour eux la conséquence? Ces gens-là, assurément, ne sont pas bons, et ils expieront par la vue de ceux qu'ils ont rendus malheureux, et ce sera pour eux un reproche. Puis, dans une autre existence, ils endureront ce qu'ils ont fait endurer. Titre. Expiation et repentir. Repère 990, question. Le repentir a-t-il lieu à l'état corporel ou à l'état spirituel? Réponse. À l'état spirituel, mais il peut aussi avoir lieu à l'état corporel quand vous comprenez bien la différence du bien et du mal. Repère 991, question. Quelle est la conséquence du repentir à l'état spirituel? Réponse. La désir d'une nouvelle incarnation pour se purifier. L'esprit comprend les imperfections qui le privent d'être heureux. C'est pourquoi il aspire à une nouvelle existence où il pourra expier ses fautes. Repère 992, question. Quelle est la conséquence du repentir à l'état corporel? Réponse. Avancer, dès la vie présente. Si l'on a le temps de réparer ses fautes, lorsque la conscience fait un reproche et montre une imperfection, on peut toujours s'améliorer. Repère 993, question. N'y a-t-il pas des hommes qui n'ont que l'instinct du mal et sont inaccessibles au repentir? Réponse. Je t'ai dit que l'on doit progresser sans cesse. Celui qui, dans cette vie, n'a que l'instinct du mal, aura celui du bien dans une autre. Et c'est pour cela qu'il renaît plusieurs fois, car il faut que tout avance et atteigne le but. Seulement, les uns dans un temps plus court, les autres dans un temps plus long, selon leurs désirs. Celui qui n'a que l'instinct du bien est déjà épuré, car il a pu avoir celui du mal dans une existence antérieure. Repère 994, question. L'homme pervers qui n'a point reconnu ses fautes pendant sa vie, les reconnaît-il toujours après sa mort? Réponse. Oui, il les reconnaît toujours, et alors il souffre davantage, car il ressent tout le mal qu'il a fait ou dont il a été la cause volontaire. Cependant, le repentir n'est pas toujours immédiat. Il y a des esprits qui s'obstinent dans la mauvaise voie, malgré leurs souffrances, mais, tôt ou tard, ils reconnaîtront la fausse route dans laquelle ils se sont engagés, et le repentir viendra. C'est à les éclairer que travaillent les bons esprits, et que vous pouvez travailler vous-même. Repère 995, question. Y a-t-il des esprits qui, sans être mauvais, soient indifférents à leur sort? Réponse. Il y a des esprits qui ne s'occupent à rien d'utile. Ils sont dans l'expectative. Mais ils souffrent, dans ce cas, en proportion. Et comme il doit y avoir progrès en tout, ce progrès se manifeste par la douleur. Question. N'ont-ils pas le désir d'abréger leur souffrance? Réponse. Ils l'ont, sans doute, mais ils n'ont pas assez d'énergie pour vouloir ce qui pourrait les soulager. Combien avez-vous de gens parmi vous qui préfèrent mourir de misère plutôt que de travailler? Repère 996, question. Puisque les esprits voient le mal qui résulte pour eux de leur imperfection, comment se fait-il qu'il y en ait qui aggravent leur position et prolongent leur état d'infériorité en faisant le mal comme esprit, en détournant les hommes de la bonne voie? Réponse. Ce sont ceux dont le repentir est tardif qui agissent ainsi. L'esprit qui se répand peut ensuite se laisser entraîner de nouveau dans la voie du mal par d'autres esprits encore plus arriérés. Repère 997, question. On voit des esprits d'une infériorité notoire, accessibles aux bons sentiments et touchés des prières qu'on fait pour eux. Comment se fait-il que d'autres esprits, qu'on devrait croire plus éclairés, montrent un endurcissement et un cynisme dont rien ne peut triompher? Réponse. La prière n'a d'effet qu'en faveur des esprits qui se répandent. Celui qui, poussé par l'orgueil, se révolte contre Dieu et persiste dans ses égarements en les exagérant encore, comme le font les malheureux esprits, sur cela la prière ne peut rien et ne pourra rien que du jour où une lueur de repentir se sera manifestée chez eux. Commentaire. On doit perdre de vue que l'esprit, après la mort du corps, n'est pas subitement transformé. Si sa vie a été répréhensible, c'est parce qu'il était imparfait. Or, la mort ne rend pas immédiatement parfait. Il peut persister dans ses erreurs, dans les fausses opinions, dans ses préjugés, jusqu'à ce qu'il se soit éclairé par l'étude, la réflexion et la souffrance. Repère 998, question. L'expiation s'accomplit-elle à l'état corporel ou à l'état d'esprit? Réponse. L'expiation s'accomplit pendant l'existence corporelle par les épreuves auxquelles l'esprit est soumis, et dans la vie spirituelle par les souffrances morales attachées à l'esprit d'infériorité de l'esprit. Repère 999, question. Le repentir sincère pendant la vie suffit-il pour effacer les fautes et faire trouver grâce devant Dieu? Réponse. Le repentir aide à l'amélioration de l'esprit, mais le passé doit être expié. Question. Si d'après cela, un criminel disait que, puisqu'il doit en tout état de cause expier son passé, il n'a pas besoin de repentir, qu'en résulterait pour lui? Réponse. S'il s'endurcit dans la pensée du mal, son expiation sera plus longue et plus pénible. Repère 1000. Question. Pouvons-nous, dès cette vie, racheter nos fautes? Réponse. Oui, en les réparant. Mais ne croyez pas les racheter par quelques privations puériles, ou en donnant après votre mort quand vous n'aurez plus besoin de rien. Dieu ne tient aucun compte d'un repentir stérile, toujours facile, et qui ne coûte que la peine de se frapper la poitrine. La perte d'un petit doigt, en rendant service, efface plus de fautes que le supplice de la chair, enduré pendant des années, sans autre but que soi-même. Le mal n'est réparé que par le bien, et la réparation n'a aucun mérite si elle n'atteint l'homme ni dans son orgueil, ni dans ses intérêts matériels. Que lui sert, pour sa justification, de restituer après sa mort le bien mal acquis, alors qu'il lui devient inutile et qu'il en a profité? Que lui sert la privation de quelques jouissances futiles et quelques superfluités si le sort qu'il a fait à autrui reste le même? Que lui sert enfin de s'humilier devant Dieu s'il conserve son orgueil devant les hommes? Repère 1001. Question. N'y a-t-il aucun mérite à assurer après sa mort un emploi utile des biens que nous possédons? Réponse. Aucun mérite n'est pas le mot. Cela vaut toujours mieux que rien. Mais le malheur est que celui qui ne donne qu'après sa mort est souvent plus égoïste que généreux. Il veut avoir l'honneur du bien sans avoir la peine. Celui qui se prive de son vivant a double profit. Le mérite du sacrifice est le plaisir de voir les heureux qu'il en fait. Mais l'égoïsme est là qui lui dit « C'est ce que tu donnes. Ce que tu donnes, c'est autant de retrancher sur tes jouissances. » Et comme l'égoïsme crie plus fort que le désintéressement et la charité, il garde sous prétexte de ses besoins et des nécessités de sa position. Ah, plaignez celui qui ne connaît pas le plaisir de donner. Celui-là est vraiment déshérité d'une des plus pures et des plus suaves jouissances. Dieu, en le soumettant à l'épreuve de la fortune, si glissante et si dangereuse pour son avenir, a voulu lui donner, pour compensation, le bonheur de la générosité dont il peut jouir dès ici-bas. Repère 1002. Question. Que doit faire celui qui, à l'article de la mort, reconnaît ses fautes, mais n'a pas le temps de les réparer? Se repentir suffit-il dans ce cas? Réponse. Le repentir hâte sa réhabilitation, mais il ne l'absout pas. N'a-t-il pas l'avenir devant lui qui ne lui est jamais fermé? Titre. Durée des peines futures. Repère 1003. Question. La durée des souffrances du coupable dans la vie future est-elle arbitraire ou subordonnée à une loi quelconque? Réponse. Dieu n'agit jamais par caprice et tout dans l'univers est régi par des lois où se révèlent sa sagesse et sa bonté. Repère 1004. Question. Sur quoi est basée la durée des souffrances du coupable? Réponse. Sur le temps nécessaire de son amélioration, l'état de souffrance et de bonheur étant proportionné au degré d'épuration de l'esprit, la durée et la nature de ses souffrances dépendent du temps qu'il met à s'améliorer. À mesure qu'il progresse et que ses sentiments s'épurent, ses souffrances diminuent et changent de nature. Propos de Saint Louis. Repère 1005. Question. Pour l'esprit souffrant, le temps paraît-il aussi long ou moins long que s'il était vivant? Réponse. Il lui paraît plutôt plus long. Le sommeil n'existe pas pour lui. Ce n'est que pour les esprits arrivés à un certain degré d'épuration que le temps s'efface, pour ainsi dire, devant l'infini. Repère 1006. Question. La durée des souffrances de l'esprit peut-elle être éternelle? Réponse. Sans doute. S'il était éternellement mauvais, c'est-à-dire s'il ne devait jamais se repentir ni s'améliorer, il souffrirait éternellement. Mais Dieu n'a pas créé des êtres pour qu'ils soient voués au mal à perpétuité. Il ne les a créés que simples et ignorants, et tous doivent progresser, dans un temps plus ou moins long selon leur volonté. La volonté peut être plus ou moins tardive, comme il y a des enfants plus ou moins précoces, mais elle vient tôt ou tard, par l'irrésistible besoin qu'éprouve l'esprit de sortir de son infériorité et d'être heureux. La loi qui régit la durée des peines est donc éminemment sage et bienveillante, puisqu'elle subordonne cette durée aux efforts de l'esprit. Elle ne lui enlève jamais son libre arbitre. S'il en fait un mauvais usage, il en subit les conséquences. Saint Louis. Repère 1007. Question. Y a-t-il des esprits qui ne se repentent jamais? Réponse. Il y en a dont le repentir est très tardif. Mais prétendre qu'il ne s'améliore jamais, ce serait nier la loi du progrès et dire que l'enfant ne peut devenir adulte. Encore Saint Louis. Repère 1008. Question. La durée des peines dépend-elle toujours de la volonté de l'esprit et n'y en a-t-il pas qui lui sont imposées pour un temps donné? Réponse. Oui, des peines peuvent lui être imposées pour un temps. Mais Dieu, qui ne veut que le bien de ses créatures, accueille toujours le repentir, et le désir de s'améliorer n'est jamais stérile. Réponse de Saint Louis. Repère 1009. Question. D'après cela, les peines imposées ne le seraient jamais pour l'éternité? Réponse. Interrogez votre bon sens, votre raison, et demandez-vous si une condamnation perpétuelle pour quelques moments d'erreur ne serait pas la négation de la bonté de Dieu? Qu'est-ce en effet que la durée de la vie, fût-elle de 100 ans par rapport à l'éternité? Éternité, comprenez-vous bien ce mot? Souffrance, torture sans fin, sans espoir, pour quelques fautes? Votre jugement ne repousse-t-il pas une pareille pensée? Que les anciens aient vu dans les maîtres de l'univers un dieu terrible, jaloux et vindicatif, cela se conçoit. Dans leur ignorance, ils ont prêté à la divinité les passions des hommes. Mais ce n'est pas là le dieu des chrétiens, qui place l'amour, la charité, la miséricorde, l'oubli des offenses au rang des premières vertus. Pourrait-il manquer lui-même des qualités dont il fait un devoir? N'y a-t-il pas contradiction à lui attribuer la bonté infinie et la vengeance infinie? Vous dites qu'avant tout il est juste et que l'homme ne comprend pas sa justice, mais la justice n'exclut pas la bonté, et il n'y serait pas bon s'il vouait à des peines horribles, perpétuelles, la plus grande partie de ses créatures. Pourrait-il faire à ses enfants une obligation de la justice s'il ne leur avait pas donné les moyens de la comprendre? D'ailleurs, n'est-ce pas le sublime de la justice, uni à la bonté de faire dépendre la durée des peines des efforts du coupable pour s'améliorer? Là est la vérité de cette parole. Ouvrez les guillemets. À chacun selon ses œuvres. Fermez les guillemets. Propos de saint Augustin. Attachez-vous, par tous les moyens qui sont à votre pouvoir, à combattre, à anéantir l'idée de l'éternité des peines, pensées blasphématoires envers la justice et la bonté de Dieu, source la plus féconde de l'incrédulité, du matérialisme et de l'indifférence qui ont envahi les masses depuis que leur intelligence a commencé à se développer. L'esprit, prêt à s'éclairer, ne fut-il que même dégrossi, en a bientôt saisi la monstrueuse injustice. Sa raison la repousse, et alors il manque rarement de confondre dans un même ostracisme et la peine qui le révolte et le Dieu auquel il attribue. De là, les mots sans nombre qui sont venus fondre sur vous et auxquels nous venons vous apporter remède. La tâche que nous vous signalons vous sera d'autant plus facile que les autorités sur lesquelles s'appuient les défenseurs de cette croyance ont toutes évité de se prononcer formellement. Ni les conciles ni les pères de l'Église l'ont tranché cette grave question. Si d'après les évangélistes, eux-mêmes, on en prenait au pied de la lettre les paroles emblématiques du Christ, il a menacé les coupables d'un feu qui ne s'éteint pas, d'un feu éternel. Il n'est absolument rien dans ces paroles qu'il prouve qu'il les ait condamnés éternellement. Pauvres brebis égarées, sachez voir venir à vous le bon pasteur qui, loin de vouloir vous bannir à tout jamais de sa présence, vient lui-même à votre rencontre pour vous ramener au bercail. Enfants prodigues, quittez votre exil volontaire, tournez vos pas vers la demeure paternelle. Le Père vous tend les bras et se tient toujours prêt à fêter votre retour en famille. Propos de Lamennais. Guerre de mots. N'avez-vous pas assez versé de sang? Faut-il donc encore allumer les bûchers? On discute sur les mots éternité, des peines, éternité des châtiments. Ne savez-vous donc pas que ce que vous entendez aujourd'hui par éternité, les anciens ne l'entendaient pas comme vous? Que les théologiens consultent les sources, et comme vous tous, il y découvrira que le texte hébreu ne donnait pas au mot que le grec. Les latins et les modernes ont traduit par peine sans fin, irrémissible, la même signification. Éternité des châtiments correspond à l'éternité du mal, oui. Tant que le mal n'existera parmi les hommes, les châtiments subsisteront. C'est dans le sens relatif qu'il importe d'interpréter les textes sacrés. L'éternité des peines n'est donc que relative et non absolue. Qu'un jour advienne où tous les hommes se revêtiront par la repentance de la robe d'innocence, et ce jour-là, plus de gémissements, plus de grincements de dents. Votre raison humaine est bornée, il est vrai, mais telle qu'elle est, c'est un présent de Dieu, et avec cette aide de la raison, il n'est pas un seul homme de bonne foi qui comprenne autrement l'éternité des châtiments. L'éternité des châtiments, quoi? Il faudrait donc admettre que le mal sera éternel? Dieu seul est éternel et n'a pu créer le mal éternel. Sans cela, il faudrait lui arracher le plus magnifique de ses attributs, la souveraine puissance, car celui-là n'est pas souverainement puissant, qui peut créer un élément destructeur de ses œuvres. Humanité, ne plonge donc plus tes mornes regards dans les profondeurs de la terre pour y rechercher les châtiments. Pleure, espère, expie et réfugie-toi dans la pensée d'un Dieu intimement bon, absolument puissant, essentiellement juste. Propos recueillis de Platon. Gravité vers l'unité divine. Tel est le but de l'humanité. Pour y atteindre, trois choses sont nécessaires. La justice, l'amour et la science. Trois choses y sont opposées et contraires, l'ignorance, la haine et l'injustice. Eh bien, je vous dis en vérité, vous mentez à ces principes fondamentaux en compromettant l'idée de Dieu par l'exagération de sa sévérité. Vous la compromettez doublement en laissant pénétrer dans l'esprit de la créature qu'il y a en elle plus de clémence, de mansuétude, d'amour et de véritable justice que vous n'en attribuez à l'être infini. Vous détruisez même l'idée de l'enfer en le rendant ridicule et inadmissible à vos croyances, comme l'est à vos cœurs les hideux spectacles des bourreaux, des bûchers et des tortures du Moyen-Âge. Quoi donc ? Est-ce qu'en l'ère des représailles aveugles et jamais bannies des législations humaines que vous espérez la maintenir dans l'idéal ? Oh, croyez-moi, frère, en Dieu et en justice, croyez-moi. Où résignez-vous à laisser périr entre vos mains tous vos dogmes plutôt que de les laisser varier ? Ou bien revivifiez-les en les ouvrant aux bienfaisances effluves que les bons y versent en ce moment. L'idée de l'enfer avec ses fournaises ardentes, avec ses chaudières bouillantes, peut être tolérée, c'est-à-dire pardonnable dans un sieste de fer. Mais au XIXe, ce n'est plus qu'un vain fantôme propre tout au plus à effrayer les petits-enfants, et auquel les enfants ne croient plus quand ils sont grands. En persistant dans cette mythologie effrayante, vous engendrez l'incrédulité, mère de toute désorganisation sociale, car je tremble en voyant tout un ordre social ébranlé et croulant sous sa base faute de sanctions pénales. Homme de foi ardente et vive, avant-garde du jour et de la lumière, à l'œuvre donc. Non pour maintenir des fables vieillies et désormais sans crédit, mais pour raviver, revivifier la véritable sanction pénale, sous des formes en rapport avec vos mœurs, vos sentiments et les lumières de votre époque. Qu'est-ce que, en effet, que le coupable, celui qui, par un écart, par un faux mouvement de l'âme, s'éloigne du but de la création, qui consiste dans les cultes harmonieux du beau, du bien, idéalisés par l'archétype humain, par l'homme-dieu, par Jésus-Christ ? Qu'est-ce que le châtiment ? La conséquence naturelle, dérivative de ce faux mouvement, une somme de douleurs nécessaires pour le dégoûter de sa difformité ? Par l'expérimentation de la souffrance, le châtiment, c'est l'aiguillon qui excite l'âme par l'amertume et se replier sur elle-même et à revenir au rivage du salut. Le but du châtiment n'est autre que la réhabilitation, l'affranchissement. Vouloir que le châtiment soit éternel pour une faute qui n'est pas éternelle, c'est lui nier toute raison d'être. Oh, je vous le dis en vérité, cessez de mettre en parallèle toute leur éternité. Dans leur éternité, le bien, essence du Créateur, avec le mal, essence de la créature. Ce serait créer là une pénalité injustifiable. Affirmer au contraire l'amortissement graduel des châtiments et des peines par les transmigrations, et vous consacrerez avec la raison unie au sentiment l'unité divine. Propos recueillis de Paul Apôtre. Commentaire. On veut exciter l'homme au bien et le détourner du mal par l'appât des récompenses et la crainte du châtiment. Mais si ces châtiments sont présentés de manière à ce que la raison se refuse à y croire, ils n'auront sur lui aucune influence. Loin de là, il rejettera tout, la forme et le fond. Qu'on lui présente au contraire l'avenir d'une manière logique, et alors il ne la repoussera pas. Le spiritisme lui donne cette explication. La doctrine de l'éternité des peines, dans le sens absolu, fait de l'être suprême un Dieu implacable. Serait-il logique de dire d'un souverain qu'il est très bon, très bienveillant, très indulgent, qu'il ne veut que le bonheur de ceux qui l'entourent, mais qu'en même temps, il est jaloux, vindicatif, inflexible dans sa rigueur, et qu'il punit du dernier supplice les trois quarts de ses sujets pour une offense ou une infraction à ses lois, ceux-mêmes qui ont failli pour ne les avoir pas connus ? Ne serait-ce pas là une contradiction ? Or, Dieu peut-il être moins bon que ne le serait un homme ? Une autre contradiction se présente ici. Puisque Dieu sait tout, il savait donc en créant une âme qu'elle faillirait. Elle a donc, dès sa formation, voué au malheur éternel. Cela est-il possible ? Rationnel ? Avec la doctrine des peines relatives, tout est justifié. Dieu savait sans doute qu'elle faillirait, mais il lui donne les moyens de s'éclairer par sa propre expérience, par ses fautes même. Il est nécessaire qu'elle expie ses erreurs pour être mieux affermie dans le bien, mais la porte de l'espérance ne lui est pas fermée à tout jamais, et Dieu fait dépendre le moment de sa délivrance des efforts qu'elle fait pour y arriver. Voilà ce que tout le monde peut comprendre, ce que la logique la plus méticuleuse peut admettre. Si les peines futures eussent été présentées sous ce point de vue, il y aurait bien moins de sceptiques. Le mot éternel est souvent employé dans le langage vulgaire comme figure pour désigner une chose de longue durée et dont on ne prévoit pas le terme, quoique l'on sache très bien que ce terme existe. Nous disons, par exemple, les glaces éternelles des hautes montagnes, des pôles, quoique nous sachions, d'un côté, que le monde physique peut avoir une fin, et d'autre part, que l'état de ces régions peut changer par le déplacement normal de l'axe et par un cataclysme. Le mot éternel, dans ce cas, ne veut donc pas dire perpétuellement jusqu'à l'infini. Quand nous souffrons d'une longue maladie, nous disons que notre mal est éternel. Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que les esprits qui souffrent depuis des années, des siècles, des milliers d'années, même, en disent autant ? N'oublions pas surtout que leur infériorité ne leur permettant pas de voir l'extrémité de la route, ils croient souffrir toujours et que c'est pour eux une punition. Au reste, la doctrine du feu matériel, des fournaises et des tortures empruntées aux Tartares du paganisme est aujourd'hui complètement abandonnée par la haute théologie et ce n'est plus que dans les écoles que ces effrayants tableaux allégoriques sont encore donnés comme des vérités positives par quelques hommes plus zélés qu'éclairés. Et cela bien à tort, car ces jeunes d'imagination, une fois revenus à leur terreur, pourront augmenter le nombre des incrédules. La théologie reconnaît aujourd'hui que le mot « feu » est employé au figuré et doit s'entendre d'un feu moral. Ceux qui ont suivi comme nous les péripéties de la vie et des souffrances d'outre-tombe dans les communications spirites ont pu se convaincre que, pour n'avoir rien de matériel, elles n'en sont pas moins poignantes. À l'égard même de leur durée, certains théologiens commencent à admettre que le sens restrictif indiqué ci-dessus et pensent qu'en effet le mot « éternel » peut s'entendre des peines en elles-mêmes, comme conséquence d'une loi immuable, et non de leur application à chaque individu. Le jour où la religion admettra cette interprétation, ainsi que quelques autres qui sont également la conséquence du progrès des Lumières, elle reliera bien des brebis égarées. Titre : Résurrection de la chair. Repère 1010, question. Le dogme de la résurrection de la chair est-il la consécration de celui de la réincarnation enseignée par les esprits ? Réponse. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Il en est de ces paroles, comme tant d'autres, qui ne paraissent déraisonnables aux yeux de certaines personnes que parce qu'on les prend à la lettre. C'est pourquoi elles conduisent à l'incrédulité. Mais donnez-leur une interprétation logique, et ceux que vous appelez les libres penseurs les admettront sans difficulté. Précisément parce qu'ils réfléchissent, car vous ne vous y trompez pas, ces libres penseurs ne demandent pas mieux que de croire. Ils ont, comme les autres, plus que d'autres peut-être, soif de l'avenir. Mais ils ne peuvent admettre ce qui est controuvé par la science. La doctrine de la pluralité des existences est conforme à la justice de Dieu. Elle seule peut expliquer ce qui, sans elle, est inexplicable. Comment voudriez-vous que le principe n'en fût pas dans la religion elle-même ? Question. Ainsi, l'Église, par le dogme de la résurrection de la chair, enseigne-t-elle elle-même la doctrine de la réincarnation ? Réponse. Cela est évident. Cette doctrine est d'ailleurs la conséquence de bien de choses qui sont passées inaperçues et que l'on ne tardera pas à comprendre dans ce sens. Avant peu, on reconnaîtra que le spiritisme ressort à chaque pas du texte, même des écritures sacrées. Les esprits ne viennent donc pas renverser la religion comme quelques-uns le prétendent. Ils viennent, au contraire, la confirmer, la sanctionner par des preuves irrécusables. Mais comment, comme le temps est venu de ne plus employer le langage figuré, il s'exprime sans allégorie et donne aux choses un sens clair et précis qui ne puisse être sujet à aucune fausse interprétation. Voilà pourquoi, dans quelque temps, vous aurez plus de gens sincèrement religieux et croyants que vous n'en avez aujourd'hui. Propos recueillis de Saint-Louis. Commentaire. La science, en effet, démontre l'impossibilité de la résurrection selon l'idée vulgaire. Si les débris du corps humain restaient homogènes, fussent-ils dispersés et réduits en poussière, on concevrait encore leur réunion à un temps donné. Mais les choses ne se passent point ainsi. Le corps est formé d'éléments divers, oxygène, hydrogène, azote, carbone, etc. Par la décomposition, ces éléments se dispersent, mais pour servir à la formation de nouveaux corps, de telle sorte que la même molécule de carbone, par exemple, sera entrée dans la composition de plusieurs milliers de corps différents. Entre parenthèses, nous ne parlons que des corps humains, sans compter tous ceux des animaux. Fermez la parenthèse. que tel individu a peut-être dans son corps des molécules ayant appartenu aux hommes des premiers âges, que ces mêmes molécules organiques que vous absorbez dans votre nourriture proviennent peut-être du corps de tel autre individu que vous avez connu, et ainsi de suite. La matière étant en quantité définie et ses transformations en quantité indéfinie, comment chacun de ces corps pourrait-il se reconstituer des mêmes éléments ? Il y a là une impossibilité matérielle. On ne peut donc rationnellement admettre la résurrection de la chair que comme une figure symbolisant le phénomène de la réincarnation. Et alors, rien qui choque la raison, rien qui ne soit en contradiction avec les données de la science. Il est vrai que, selon le dogme, cette résurrection ne doit avoir lieu qu'à la fin des temps, tandis que, selon la doctrine spirite, elle a lieu tous les jours. Mais il n'y a pas encore dans ce tableau du jugement dernier une grande et belle figure qui cache, sous le voile de l'allégorie, une de ces vérités immuables qui ne trouvera plus de sceptiques quand elle sera ramenée à sa véritable signification. Qu'on veuille bien méditer la théorie spirite sur l'avenir des âmes et sur leur sort à la suite des différentes épreuves qu'elles doivent subir. Et l'on verra qu'à l'exception de la simultanéité, le jugement qui condamne ou qui les absout n'est point une fiction. Ainsi que le pensent les incrédules. Remarquons encore quelle est la conséquence naturelle de la pluralité des mondes, aujourd'hui parfaitement admise, tandis que, selon la doctrine du jugement dernier, la Terre est censée le seul monde habité. Titre : Paradis, Enfer et Purgatoire. Repère 1012. Question : Un lieu circonscrit dans l'univers est-il affecté aux peines et aux jouissances des esprits selon leurs mérites ? Réponse : Nous avons déjà répondu à cette question. Les peines et les jouissances sont inhérentes au degré de la perfection des esprits. Chacun puise en soi-même le principe de son propre bonheur ou malheur. Et comme ils sont partout, aucun lieu circonscrit ni fermé n'est affecté à l'un plutôt qu'à l'autre. Quant aux esprits incarnés, ils sont plus ou moins heureux ou malheureux selon que le monde qu'ils habitent est plus ou moins avancé. Question. D'après cela, l'enfer et le paradis n'existeraient pas tels que l'homme se le présente. Réponse. Ce ne sont que des figures. Il y a partout des esprits heureux et malheureux. Cependant, comme nous l'avons dit, les esprits du même ordre se réunissent par sympathie, mais ils peuvent se réunir où ils veulent quand ils sont parfaits. Commentaire. La localisation absolue des lieux de peine et de récompense n'existe que dans l'imagination de l'homme. Elle provient de la tendance à matérialiser et circonscrire les choses dont ils peuvent comprendre l'existence, l'essence infinie. Repère 1013. Question. Que doit-on entendre par le purgatoire ? Réponse. Douleur physique et morale, c'est le temps de l'expiation. C'est presque toujours sur la terre que vous faites votre purgatoire et que Dieu vous fait expier vos fautes. Commentaire. Ce que l'homme appelle purgatoire est de même une figure, par laquelle on doit entendre, non pas un lieu déterminé quelconque, mais l'état des esprits imparfaits qui sont en expiation jusqu'à la purification complète qui doit les élever au rang des esprits bienheureux. Cette purification s'opérant dans les diverses incarnations, le purgatoire consiste dans les épreuves de la vie corporelle. Repère 1014. Question. Comment se fait-il que les esprits, qui par leur langage révèlent leur supériorité, aient répondu à des personnes très sérieuses au sujet de l'enfer et du purgatoire, selon les idées que l'on s'en fait vulgairement ? Réponse. Ils parlent un langage compris des personnes qui les interrogent. Quand ces personnes sont trop imbues de certaines idées, ils ne veulent pas les heurter trop brusquement pour ne pas froisser leurs convictions. Si un esprit allait dire, sans précaution oratoire, à un musulman que Mahomet n'est pas un prophète, il serait très mal reçu. Question. On conçoit qu'il puisse en être ainsi de la part des esprits qui veulent nous instruire, mais comment se fait-il que des esprits interrogés sur leur situation aient répondu qu'ils souffraient des tortures de l'enfer ou du purgatoire ? Réponse. Quand ils sont inférieurs et pas complètement dématérialisés, ils conservent une partie de leurs idées terrestres et ils rendent leurs impressions par les termes qui leur sont familiers. Ils se trouvent dans un milieu qui ne leur permet qu'à demi de sonder l'avenir. C'est ce qui est cause que souvent des esprits errants ou nouvellement dégagés parleront comme ils l'auraient fait de leur vivant. Enfer peut se traduire par une vie d'épreuves extrêmement pénible, avec l'incertitude d'une meilleure. Purgatoire, une vie aussi d'épreuves, mais avec conscience d'un avenir meilleur. Lorsque tu éprouves une grande douleur, ne dis-tu pas toi-même que tu souffres comme un damné ? Ce ne sont que des mots, et toujours au figuré. Repère 1015. Question. Que doit-on entendre par une âme en peine? Réponse. Une âme errante et souffrante, incertaine de son avenir et à laquelle vous pouvez procurer un soulagement que souvent elle sollicite en venant se communiquer avec vous. Repère 1016. Question. Dans quel sens doit-on entendre le mot ciel? Réponse. Crois-tu que ce soit un lieu, comme les Champs-Élysées des anciens, où tous les bons esprits sont entassés pêle-mêle sans autre souci que de goûter pendant l'éternité une félicité passive? Non, c'est l'espace universel. Ce sont les planètes, les étoiles et tous les mondes supérieurs où les esprits jouissent de toutes leurs facultés, sans avoir les tribulations de la vie matérielle, ni les angoisses inhérentes à l'infériorité. Repère 1017. Question. Des esprits ont dit habiter le quatrième, le cinquième ciel, etc. Qu'entendaient-ils par là? Réponse. Vous leur demandez quel ciel ils habitent, parce que vous avez l'idée de plusieurs ciels placés comme des étages d'une maison. Alors, ils vous répondent selon votre langage, mais pour eux, ces mots « quatrième et cinquième ciel » expriment différents degrés d'épuration, et par conséquent, de bonheur. C'est absolument comme quand on demande à un esprit s'il est dans l'enfer, s'il est malheureux, il dira oui, parce que pour lui, enfer est synonyme de souffrance, mais il sait très bien que ce n'est pas une fournaise. Un païen aurait dit qu'il était dans le tartare. Commentaire. Il en est de même d'autres expressions analogues, telles que celles de cité des fleurs, cité des élus, première, seconde ou troisième sphère, etc., qui ne sont que des allégories employées par certains esprits, soit comme figure, soit quelquefois par ignorance, de la réalité des choses et même des plus simples notions scientifiques. Selon l'idée restreinte qu'on se faisait autrefois des lieux de peine et de récompense, et surtout dans l'opinion que la Terre était le centre de l'univers, que le ciel formait une voûte et qu'il y avait une région des étoiles où placer le ciel en haut et l'enfer en bas. De là les expressions « monter au ciel »,« être plus haut que les cieux », »,« être précipité dans les enfers », etc. Aujourd'hui, que la science a démontré que la Terre n'est qu'un des plus petits mondes parmi tant de millions d'autres, sans importance spéciale, qu'elle a tracé l'histoire de sa formation et décrit sa constitution, prouvé que l'espace est infini, qu'il n'y a ni haut ni bas dans l'univers, il y a bien fallu renoncer à placer le ciel au-dessus des nuages et l'enfer dans les lieux bas. Quant au purgatoire, aucune place ne lui avait été assignée. Il était réservé au spiritisme de donner sur toutes ces choses l'explication la plus rationnelle, la plus grandiose et en même temps la plus consolante pour l'humanité. Ainsi, l'on peut dire que nous portons en nous-mêmes notre enfer et notre paradis. Notre purgatoire, nous le trouvons dans notre incarnation, dans nos vies corporelles ou physiques. Repère 1018. Dans quel sens faut-il entendre ces paroles du Christ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Réponse. Le Christ, en répondant ainsi, parlait dans un sens figuré. Il voulait dire qu'il ne règne que sur les cœurs purs et désintéressés. Il est partout où domine l'amour du bien, mais les hommes avides des choses de ce monde et attachés au bien de la terre ne sont pas avec lui. Repère 1019, question. Le règne du bien pourrait-il jamais avoir lieu sur la terre? Réponse. Le bien régnera sur la terre quand, parmi les esprits qui viennent à l'habiter, les bons l'emporteront sur les mauvais. Alors, ils y feront régner l'amour et la justice qui sont la source du bien et du bonheur. C'est pour le progrès moral et par la pratique des lois de Dieu que l'homme attirera sur la terre les bons esprits, et qu'il en éloignera les mauvais. Mais les mauvais ne la quitteront que lorsqu'ils en auront banni l'orgueil et l'égoïsme. La transformation de l'humanité a été prédite, et vous touchez à ce moment que hâte tous les hommes qui aident au progrès. Elle s'accomplira par l'incarnation des esprits meilleurs qui constitueront sur la terre une nouvelle génération. Alors les esprits des méchants que la mort moissonne chaque jour et tous ceux qui tentent d'arrêter la marche des choses en seront exclus, car ils seraient déplacés parmi les hommes de bien dont ils troubleraient la félicité. Ils iront dans les mondes nouveaux, moins avancés, remplir des missions pénibles où ils pourront travailler à leurs propres avancements en même temps qu'ils travailleront à l'avancement de leurs frères encore plus arriérés. Ne voyez-vous pas dans cette exclusion de la terre transformée la sublime figure du paradis perdu et dans l'homme venu sur la terre dans les semblables conditions et portant en soi le germe de ses passions et les traces de son infériorité primitive? La figure non moins sublime du péché originel. Le péché originel, considéré sous ce point de vue, tient à la nature encore imparfaite de l'homme qui n'est ainsi responsable que de lui-même et de ses propres fautes, et non de celle de ses pères. Vous tous, homme de foi et de bonne volonté, travaillez donc avec zèle et courage aux grandes œuvres de la régénération, car vous recueillerez au centuple le grain que vous aurez semé. Malheur à ceux qui ferment les yeux à la lumière, car ils se préparent de longs siècles de ténèbres et de déceptions. Malheur à ceux qui mettent toute leur joie dans les biens du monde, de ce monde, car ils endureront plus de privations qu'ils n'auront eu de jouissance. Malheur surtout aux égoïstes, car ils ne trouveront personne pour les aider à porter le fardeau de leur misère. Propos recueillis de Saint-Louis.